Édition d'août 2014. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Outre regarder la fin du mondial de soccer à la télé, j'ai consacré plusieurs heures à l'audio en juillet. Ainsi, le 4, j'enregistrais la 10e partie des Relations des Jésuites, ainsi que La Marquise à la baguette, un conte du pays gallo, que j'éditais et montais le 11 et 12 suivants. Du 5 au 9, je rédigeais le premier jet de l'épisode double 20-21 du PC Show avec Paul Courtemèche. Le 12, je collectais sur le site de Michel Vanreux les résumés du cycle 3 des aventures de Perry Rodden. Le lendemain, je commençais à scripter et préparer les résumés des fascicules 100 à 109. Et cela, jusqu'au 20. Le 13, je scriptais et préparais la page 6 de l'édition du 22 septembre 1883 du Progrès de l'Est. Le 15, je débutais la saisie de la relation de 1632 des Relations des Jésuites. Le 20, je relevais les statistiques de téléchargement de nos productions audio pour découvrir que l'ensemble de nos épisodes du PC Show ont franchi le cap des 8000 téléchargements. Le 23, j'enregistrais les résumés des fascicules 100 à 109 ainsi que la page 6 du Progrès de l'Est du 22 septembre 1883 que j'éditais le 25. Le lendemain, je la montais. Le 27, je commençais à monter les résumés Perry Rodden, et ce, jusqu'au 30. Projet René est né. Bien que je sois encore en réflexion au sujet de l'avenir de ce projet, Aldor et Janssen m'ont fait parvenir leur enregistrement. Merci, messieurs. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'avenir présentent Le cochon à toi non. Le Grand Rang, entre Saint-Jean-de-Mata et Saint-Félix-de-Valois, une distance de 8000, n'a que 5 maisons. Le chemin de ligne est une belle route en pente douce, bien entretenue, et semble fait exprès pour le plaisir des amateurs de sport hippique, qui trottent leurs chevaux sur toute la distance. Ils viennent d'un peu partout, de Joliette, de Saint-Félix-de-Valois, de Saint-Jean-de-Mata et d'autres paroisses environnantes. Toinon-Saint-Georges demeurait à une distance d'environ 10 arpents du village et il avait un cochon de la Grande Ordre qui broutait tous les jours le long du fossé sans demander permission à personne. Il lui était facile de s'évader car la barrière de Toinon avait été arrachée de ses gonds et il ne restait que le piquet. Barthélemy Lavigne, un jockey de profession, se rendait tous les jours sur cette piste pour trotter ses chevaux. Un jour, Toinon, qui n'avait consulté personne au sujet de ses droits de faire packager son cochon sur le chemin du roi, s'amena au bureau de l'avocat de la couronne pour exposer ses griefs, qui étaient réels à son avis, et avoir une consulte. Après les salutations d'usage, l'avocat lui demanda le motif de sa visite, et voici l'histoire de Toinon. « Je voudrais savoir si Barthélemy Lavigne a le droit de tuer mon cochon parce qu'il packageait dans le chemin. »« Mais non, Toinon, il n'a pas le droit de tuer ton cochon. Conte-moi comment c'est arrivé et n'oublie aucune circonstance. »« Vous savez, en arrivant sur le coteau, il s'est mis à pousser son cheval, puis mon cochon s'est mis à courir devant lui au petit trot. » Un grand cochon maigre, puis Barthélemy a poussé sur le cochon, pousse, pousse, pousse, jusqu'à ce que le cochon prenne l'épouvante. Puis, en arrivant chez nous, il a voulu prendre la barrière, puis il a viré droit en équerre. Mais, monsieur, il venait si vite qu'il s'est attrompé le fouillon sur le piquette, et puis il s'est défouillonné net. Il avait plus rien que l'écuelle de tour. Puis, comme de raison, il était trop maigre pour le manger, et je perds tout. Et comme ton animal était errant sur la voie publique, il n'y a pas de recours. C'est bien sacré, la loi. Ce mois-ci, une fois n'étant pas coutume, Jean Seb nous parle de production en anglais. Ici Jean Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et ici... Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Salut? Je peux t'aider? Je me connais. C'est certain que tu me connais. Je suis toi. Pourquoi? Comment ça se fait? Pourquoi? Tu gosses avec mes questions. Tu dois bien t'en douter. Ton logiciel a tout attrapé. Et tu as fait plein de choses qui n'ont pas aimé ta situation. J'ai rien fait. Je te remémore donc. Je suis venu voir sur notre famille parce que j'avais besoin de matériel pour faire ma capsule nouveauté. Oui, pis? C'était planté, pis après? Pis après, tu es retourné au dépantage de iTunes. Puis tu as décidé de réinstaller une ancienne version. Pis c'est là que t'as tout mélangé, toi. Là. Hein? Voyons donc. C'est pas moi. C'est pas vrai. Va donc voir le forum de Netophonix. Ouais, je sais, Netophonix est en maintenance, c'est ça que je te disais. Ah ouais, pas moi. Arrête de te pavillouer. Après quelques soucis techniques, le site est entré dans une phase de maintenance. Nous travaillons actuellement un retour à la normale qui devrait s'étaler tout l'été. Pour tout savoir sur notre avancée et ce que nous prévoyons faire, nous vous invitons à consulter... qu'est-ce qui se passe? La perte de données est un problème courant en informatique qui n'est pas très gênant lorsqu'il est correctement prévu. Ce n'est malheureusement pas notre cas. Et nous voilà maintenant de retour en juillet 2012. En quelques jours, nous avons perdu 2 années de membres. Le message du forum, mon dieu. Non, mais hey, c'est pas moi qui a fait ça. Non, mais, qu'est-ce que je vais faire? À toi de m'énerver maintenant. C'est toi qui venis dans cette aimable... Oh, hey! Surveille ton vocabulaire, là. On n'est pas à Épicure, là. Coup de bain. C'est à toi de nous apporter. Bon. Je vais faire avec ce que je sais. On va faire différentes d'habitude. D'abord, comme le temps est tout mélangé, là, ben, on va mélanger la langue aussi. Je vais parler d'anglais aux auditeurs. D'abord. Oui, continue. On va voir comment tu vas te débrouiller. Ça a l'air que j'ai un petit peu trop écouté Space Casey dernièrement. On dirait que ça a un petit peu affecté mon cerveau. Space Casey, c'est un podcast en anglais qui a été fait par Christy Anna Ellis. J'avais découvert son émission via Podiobook, qui est un site où est-ce qu'on peut trouver des livres en anglais. C'est correct comme ça? Ça fait-tu ton affaire? Alors, on verra mieux pour la suite. C'est, selon moi, personnellement personne, la meilleure saga anglaise que j'ai écoutée. C'est extrêmement bien monté, c'est extrêmement bien joué. Il y a plusieurs personnages. Les effets sonores sont excellents. Christiana a justement gagné plusieurs prix grâce à cette production-là. Pourquoi que j'ai décidé de le réécouter? C'est parce que j'ai vu un message passer comme quoi la saison 2 venait d'être complétée, donc l'épisode 10 était sorti. Jusqu'à présent, j'avais eu aucun espoir qu'il y ait une suite à cette saga-là, et c'est un bonheur total. L'histoire, en bref, c'est une humaine totalement déjantée qui fait le vol d'un vaisseau spatial appartenant à un extraterrestre, en faisant croire au pilote qu'il y avait une graphine sur son vaisseau spatial. Et elle s'arrange, en tout cas c'est vraiment drôle, pour voler le vaisseau spatial, et elle se ramasse dans des péripéties absolument folles raides. Elle se retrouve donc en compagnie d'un ordinateur de bord, pour qui le rêve le plus profond de son être est de devenir designer de mode. C'est plein de rebondissements. Écoutez ça si vous connaissez un peu l'anglais. Tant qu'à y être, j'aimerais vous entretenir de d'autres podcasts qui se font en anglais, qui racontent des histoires. Deux excellents en le domaine sont Old Time Radio Theater. Il y a aussi Moonlight Audio Theater. Ce sont d'anciens audiodramas qui se faisaient à l'époque à la radio, et certains sont originaux, certains ont été refaits, remasterisé et puis mis en ligne régulièrement sur iTunes. D'autres excellents sites anglais que je tiens absolument à vous faire connaître, ce ne sont pas des sites où est-ce qu'il va y avoir des sagas avec plusieurs voix comme telles, c'est plutôt une histoire qui est narrée. Entre autres, j'ai trois petits frères. Le premier est Pod Castle, qui est de la fiction fantaisiste. Il y a Escape Pod, science-fiction, et Pseudopod, des histoires d'horreur. j'ai aussi une autre famille que je vais vous faire connaître, qui sont de District of Wonders. Ils sont extrêmement prolifiques. Dans le District of Wonders, il y a une grande nouvelle qui est tombée cette semaine. L'un des pionniers, Larry Santoro, est décédé. Il avait une voix absolument fantastique pour conter des histoires et pour faire l'introduction des textes. Leur slogan est qu'il y a une histoire pour tout le monde au District of Wonders. À vous de trouver la vôtre. Alors, il y a Tales to Terrify, donc des histoires d'horreur. Protecting Project Pulp, donc ce sont des légendes. Crime City Central, ce sont des enquêtes. Starship Sofa, qui sont des histoires de science-fiction. Far-Fetched Fable, qui sont des fables farfelues. Ils ont aussi deux autres petits sites un petit peu différents, qui sont Holodeck, qui sont des discussions sur comment faire des histoires, faire du jeu d'acteur, des choses comme ça. Et il y a Sofa Notes, dont je n'ai pas tellement d'informations. J'ai juste vu qu'il faut payer 6 livres sterling. C'est quoi le but? J'en ai aucune idée. Donc, tous ces sites sont trouvables à partir de District of Wonders. Amateurs d'histoire, c'est vraiment la place pour pouvoir découvrir des univers absolument fantastiques. Et à part l'histoire, qu'est-ce que t'écoutes d'autre? Eh oui, à vous, c'est le bien, non? Oui, t'as pu m'en dire deux, trois, là. Pour ceux qui aiment... qui voudrait devenir podcasteur. J'ai deux podcasts que j'écoute beaucoup, qui m'ont beaucoup inspiré pour apprendre comment faire, apprendre certains petits trucs. On en prend, on en laisse. C'est The Audacity 2 Podcast et Podcast Answer Man. C'est pas mal les deux meilleurs que je connais. Et là, tu n'as pas parlé de ta belle blonde. Docteur Kiki Sanford. Oh! Et belle et tellement intelligente. J'adore vraiment cette femme-là. Elle connaît tout. Elle sait tout. Docteur Kiki Sanford, c'est ma meilleure, j'avoue. Docteur Kiki avait une émission jadis où elle était seule et elle parlait justement de tout plein de nouvelles de science et de découvertes qui sont à la fine pointe. Et accompagnée de Justin et de Blair, Justin fait surtout des nouvelles qui concernent la biologie. Les introductions de Justin y sont absolument fantastiques. Je les adore. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. The last 100 years of human history. C'est vraiment cool. Il part de très loin pour finalement arriver à dire. Small percentage of people have never been in such great numbers as they are today on This Week in Science. Coming up next. Et à la fin, il chiffonne sa feuille. C'est vraiment très agréable à écouter. Blair fait le The Animal Corner. Elle parle de nouvelles qui arrivent du côté des animaux. Quant à Kiki, parle surtout de ce qui se passe du côté de l'astronomie et de la technologie en général. Et du côté informatique, ça ne te manquerait pas trop de te retaper quelques épisodes. Security Now. Ouais, c'est vrai, Security Now, c'est vrai que c'est bon, hein. Avec Léo Laporte, tout ce qui a rapport avec la sécurité informatique en anglais, il est vraiment pas battable. Il y a vraiment toute une équipe de recherche, c'est très bien documenté. Bon, écoute, je passerai pas tout mon répertoire, là, hein. Tu dois en avoir assez, là. Si les auditeurs y ont de l'intérêt, ben, je vous en dirai quelques autres, là. Alors, je me sauve aussi. Je te laisse pas gagner. Bon, je vais essayer de repasser la communication à Christian, là. Salut tout le monde! À vous, les studios! Qu'est-ce que t'as dedans? Merci, Jean-Seb. Suite du feuilleton Massas Pavel, un monde en héritage par André Bory. Voici ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Sur Karsak, Kalec montre à John Pavel, le frère de Massas, l'appel à l'aide que celle-ci a enregistré à son intention. John n'hésite pas à rameuter le maximum de vaisseaux mercenaires pour voler à son secours. Lors d'une réimmersion dans l'espace linéaire, le cœur de Faux Malo émerge au milieu d'une nuée de petits vaisseaux de quartiers. Le vaisseau de Steve est attaqué de toutes parts. Dans un effort ultime, le pilote parvient à faire basculer sa nef dans l'entre-espace. Pendant ce temps, sur Karsak, Kalec et Tagrusher font la connaissance du clan Pavel. Arrive alors Arx, un fidèle ami de Massas, au corps de pieuvre. Arx déclare qu'il partira aussi au secours de Massas, aux grandes dames de John Pavel. Sur la planète où la nef moissonneuse effectue ses réparations, Limir voit soudain arriver la plateforme chargée des armes qui l'attendaient. Avec un électrocuteur, il vient rapidement à bout du ver géant. Une fois persuadé que le rope est bien mort, les indigènes le dépècent. Pendant ce temps, le cœur de Faux Malo est en chute libre, en voie de se cracher. Massas parvient tant bien que mal à réveiller Steve, inconscient. Celui-ci arrive à ralentir la chute de son vaisseau, ce qui permet à Massas de soigner sommairement les autres membres de l'équipage mal en point. Mais le pilote a maintenu son vaisseau en l'air tant qu'il a pu. Désormais, il n'y a plus rien à faire. Le cœur de Faux Malo se crache. Les éditions de l'avenir présentent Massas Pavel, un monde en héritage, un roman fanique de l'univers de Perry Rodden par André Bory, paru à l'origine dans Basis hors-série numéro 12. Chapitre 6. Après avoir avalé la dernière gorgée du sirop épais contenu dans son gobelet, l'émir s'essuya la bouche d'un revers de poignet, un peu lassé des agapes auxquelles il avait été convié par la tribu de ses deux nouveaux amis. Une chose l'énervait tout particulièrement. Alors que les indigènes correspondaient télépathiquement avec lui, il était toujours dans l'incapacité de leur répondre autrement qu'en paroles, tout en s'évertuant de visualiser mentalement ce qu'il leur disait, dans l'espoir qu'ils parviennent à le comprendre correctement. Ce qui l'épuisait physiquement et surtout moralement. En ce qui concernait le repas, il avait eu beaucoup de difficultés à faire admettre à ses hôtes qu'il ne désirait pas manger du rôpe aussi bien cru que cuit. Même si la langue, mets de choix par excellence, lui était dévolue. Des signes de désapprobation étaient apparus sur les visages où les trois yeux semblaient briller de reproches lorsqu'il avait tiré d'une de ses poches une plaquette de nourriture concentrée et qu'il l'avait portée à sa bouche. Il dut encore patienter une couple d'heures avant que les participants au festin commencent à donner des signes de fatigue. Gavé, un peu étourdi par la consommation de leur boisson légèrement fermentée, ils finirent par s'étendre les uns après les autres, à même le sol, sous la garde de trois d'entre eux, que le mulot-castor avait initié au maniement des armes qui leur avaient été offertes. « Bon, les petits gars, je crois que je vais prendre congé. » Il se leva doucement, regarda attentivement autour de lui, mais nul ne lui prêtait attention. En quelques pas, il quitta la clarté pâlissante des foyers qui se mouraient lentement, faute d'alimentation, et se fondit dans l'obscurité. Enclenchant ses antigés, il s'éleva dans les airs et prit la direction de son glisseur qui l'attendait fidèlement au sommet de la falaise. L'Arcturus jaillit hors du néant, suivi par les 10 astronautes carsaciens qui l'accompagnaient dans sa recherche du mulot-castor. « Bonne pioche !» s'exclama le pilote, Yves Mantel, un petit homme nerveux, tout en tendons et en muscles, au visage barré par une originale moustache à la Napoléon III. Il fallait posséder un singulier sens de l'humour pour trouver le moyen de plaisanter alors que la petite armada des mercenaires débouchait au milieu d'un fourmillement de vaisseaux ventrus encadrés d'une myriade d'aiguilles volantes. Tout ce petit monde, semblant aussitôt n'avoir qu'un seul but en vue, pulvériser les intrus qui venaient de se présenter devant eux. John Pavel ne fit qu'un bond jusqu'au système de transmission, arracha le micro de son support et cria « À tous les commandants, passage immédiat dans l'entre-espace. Rendez-vous à 3 minutes lumière dans la zone nord-est du système Alpha 2 que nous avons repéré tout à l'heure. » Avec une audace folle, Mantel lança son appareil, dont l'écran SH reflétait une lueur verdâtre qui nimbait le poste de pilotage au beau milieu de l'escadre adverse, tandis que les officiers de tir s'en donnaient à cœur joie, tous leurs engins de destruction en action. 12 secondes plus tard, l'Arcturus basculait dans l'espace linéaire après avoir porté quelques coups meurtriers à ses agresseurs. Sympathique et convivial, ton lieu de rendez-vous, lança John à l'adresse de Kalec. Steve eut un hoquet. Avec effort, il tenta d'ouvrir les yeux. Sa tentative fut couronnée de succès, mais une douleur sourde l'obligea à les refermer. Sa première réaction fut un grand soulagement de se sentir vivant. Il voulut se redresser, mais ses membres lui refusèrent tout service et une douleur dans le dos l'alerta. Une affreuse angoisse l'étreignit soudain. Et s'il était vivant, mais paralysé? Allongé sur le plancher qui présentait une jette de 30 degrés, il respira profondément et entreprit une inspection mentale de l'état de son corps. Il se sentait moulu, ayant l'impression de s'être coltiné avec une armée de pachydermes. Mais, peu à peu, en commençant par les mains et les bras, il obtint de légères réactions qui l'encouragèrent dans sa quête. Quand il parvint à bouger sa jambe gauche, une bouffée de joie l'envahit. Sa colonne vertébrale était indemne. Cependant, lorsqu'il voulait en faire de même pour la droite, une douleur fulgurante faillit lui faire perdre conscience. Le front ruisselant de sueur, il songea avec un humour noir. « Le bonhomme n'est peut-être pas aussi frais qu'il le pensait. » Prenant soin d'éviter de déplacer son membre blessé, il se tordit le cou pour tenter de voir ses compagnons. Avec soulagement, il aperçut Mazast qui se traînait péniblement dans sa direction. « Alors, nous ne sommes pas encore morts ?» Sa voix ressemblait à un coassement, et arracha un sourire fugitif sur les lèvres exsangues de la jeune femme. « Je t'avais bien dit que tu étais un incorrigible pessimiste. » Elle s'assit près de lui et demanda « Comment te sens-tu ?»« Si je parvenais à plier mon genou droit, je pourrais dire que cela va aussi bien que possible dans l'état actuel des choses. Et toi ?»« En tout cas, moi je n'ai rien de cassé, mais j'ai mal partout. » Et eux ?» Il pointa son menton en direction du fond de la salle où Corton, Chris et le corps du radio avaient abouti suite au crash. « Je ne sais pas. Je vais aller les voir dès que je t'aurai fait une piqûre de Vitaliv. » Elle appuya l'embout du pistolet injecteur contre sa jugulaire et pressa la détente. Un chouettement accompagna l'introduction sous pression du liquide tonifiant. Elle se releva avec précaution pour trouver son équilibre sur le sol en pente et l'abandonna après lui avoir donné une tape amicale sur l'épaule. Quelques minutes plus tard, elle put constater que, apparemment, l'état des deux autres blessés ne s'était pas aggravé, même s'ils étaient sans connaissance. Il n'empêche qu'elle était la seule à être encore valide dans le poste de pilotage. Steve avait réussi, en grimaçant, à s'asseoir sur l'un des fauteuils encore intacts. Il testait toutes les commandes dans l'espoir de trouver quelque chose d'encore opérationnel sur son malheureux cœur de Full Metal 2. Mais en vain. Le brave petit vaisseau avait définitivement rendu l'âme. « Cela fait le deuxième que je perds dans une mission avec toi. » ronchonna-t-il à l'attention de la jeune femme. « Bah, tu es tellement bien vu du Lord Amiral qu'il va t'en payer un nouveau. » Sa boutade ne déclencha qu'un regard torve en réponse. « Je vais voir dans quel état se trouve le reste de l'appareil, et surtout s'il y a des survivants. »« S'il y en avait, ils seraient venus jusqu'ici. » »« Pas s'ils sont blessés. Sur 5 personnes dans cette salle, je suis la seule à tenir encore sur mes jambes. C'est un vrai miracle. » Il hocha la tête en poussant un gros soupir. À petits pas prudents, Maza s'emprunta la pente qui menait à la porte. Par chance, celle-ci n'était pas déformée et elle n'eut aucun mal à l'ouvrir. Contrairement au poste de pilotage, qui était faiblement éclairé par le fonctionnement d'un groupe électrique de secours, le couloir, lui, était plongé dans l'obscurité. L'agent de l'OMU sortit une petite torche d'une poche de sa combinaison. Précédé par un faisceau lumineux qui s'attardait sur les dégâts intérieurs du navire, elle enjamba des débris tout en poursuivant sa marche en direction du pont inférieur. Lorsque l'émir eut rejoint la nef moissonneuse, il eut le plaisir d'apprendre de la part de Rabotax 3 que le vaisseau serait apte à reprendre son vol dans une trentaine d'heures. Son exil sur silence ne serait donc finalement pas trop long, ce qui lui laissait l'espoir que Mazas et le cœur de Full Metal 2 soient toujours à l'attendre lorsque l'astronef construit par le peuple saurien referait son apparition dans la zone où il avait vainement attendu des ordres de ses constructeurs pendant 250 ans. John Pavel lança un regard torve à l'antilan qui venait de manifester sa mauvaise humeur parce qu'il trouvait que la petite flottille de mercenaires tardait trop pour tenter à nouveau de joindre le lieu de rendez-vous prévu avec la nef de Stevomir Hersing. « On a déjà perdu un bâtiment et tout son équipage !» rappela-t-il. « Et je n'ai pas du tout l'esprit suicidaire, ni pour moi, ni pour les autres !»« Mais c'est en danger !» martela Axe de sa voix grinçante. Parce que tu crois que je l'ignore ! Gronda le colosse avant d'ajouter « Ma sœur et Steve ne sont pas idiots. Ils ne sont pas restés à nous attendre quand la flotte des quartiers est arrivée. » Kalec, coincé entre les deux, évitait d'intervenir dans le débat car, s'il comprenait l'impatience de l'octopode, qui était également la sienne, il ne pouvait qu'approuver la prudence du chef des Carsaciens qui venait déjà de voir disparaître une centaine de ses hommes avec la perte du Gypsy. Espérant détendre l'atmosphère, il s'adressa au pilote. « Est-ce que le message de la balise a pu être récupéré ?» Mantel n'eut pas le temps de répondre, car la question déclencha aussitôt la colère du radio qui, comble de malheur pour Voram, se trouvait être Vanek, le premier interlocuteur qu'il avait eu à son approche sur Karsak. Il éructa. « Avec un accueil aussi chaud, tu crois vraiment que j'ai eu le temps d'effectuer des recherches de fréquence ? Si j'y pense que tu aurais pu mieux faire, toi qui es si malin, tu aurais dû prendre ma place. » Diplomate pour une fois, le rouquin esquissa un geste d'excuse et quitta le poste de pilotage. John se tourna vers le moustachu qui dirigeait le vaisseau de main de maître. 40 minutes d'attente, puis l'Arctarus refera un essai. Et même si nous débouchons au milieu de la flotte des Kertiers, j'espère que Vanek parviendra à enregistrer les coordonnées contenues dans la balise avant que nous replongions dans l'entre-espace. Quant aux autres unités, elles resteront sur place jusqu'à notre retour, dans la zone où nous sommes actuellement. Le puits antigrave permettant d'accéder au pont inférieur étant hors d'usage, Mazas activa sa ceinture et se glissa dans le conduit qui formait un angle de 30 degrés avec la verticale et qui la mena au niveau qu'elle voulait atteindre. Une sorte de luminosité blafarde attira son regard. Elle fit quelques mètres dans cette direction et s'aperçut que sa source provenait d'une déchirure de la coque, laquelle était encastrée dans un amas de glace translucide qui laissait passer des rayons lumineux. Mazas revint sur ses pas et reprit son chemin pour déboucher dans le couloir donnant accès à l'aire de détente de l'équipage. Sitôt qu'elle y fut parvenue, elle aperçut dans le puissant faisceau blanc de sa lampe la porte de la prison des Kerptiers sortie de ses gonds. Merde! Comme par magie, le radiant fut éjecté de sa gaine pour être dirigé d'une main ferme en direction de l'ouverture béante. La jeune femme s'avança lentement, sa torche tenue à bout de bras, le plus loin possible de son corps. Elle tendit l'oreille, mais ne perçut pas le moindre bruit. Elle s'accroupit et posa la lampe sur le sol, la lumière dirigée vers l'obscurité qui baignait la cellule. Elle ne découvrit aucune ombre suspecte, mais si elle savait être téméraire lorsque cela s'avérait nécessaire, sa prudence lui avait bien souvent sauvé la vie. Aussi, elle se redressa, fléchit les genoux et effectua un superbe roulé-boulé pour atteindre l'autre côté de la porte. Cependant, son mouvement ne déclencha pas la moindre réaction et elle fut persuadée que la pièce était soit vide, soit occupée par des êtres inconscients. Elle ramassa sa torche et s'assura d'un rapide balayage qu'elle ne se trompait pas. Des Kerptiers, nulle trace. Un filet glacé lui coula soudain entre les omoplates. Connaissant la férocité des extraterrestres, elle appréhenda aussitôt ce qui avait pu se passer après qu'il se soit libéré. Elle allongea le pas, malgré l'inclinaison du plancher, pour atteindre le dortoir où les membres d'équipage avaient dû se harnacher au moment du crash. La porte était ouverte et un corps gisait sur le seuil. S'assurant qu'aucun adversaire ne se trouvait à proximité, elle se pencha sur l'homme revêtu d'un spacyandre dont le casque pendait sur les épaules et le retourna. Dans le faisceau lumineux, elle aperçut un visage barbouillé de sang et reconnut Rohrbach, l'un des deux Éconides. Sa gorge portait une plaie béante et ses yeux étaient révulsés. Un horrible blasphème jaillit de ses lèvres. Elle se redressa et, enjambant le cadavre, pénétra en hâte dans la salle pour buter aussitôt sur un obstacle qui s'avéra être Tiromon. Elle s'agenouilla près de l'ancien franc-passeur, dont la main valide s'agrippa spasmodiquement à son bras. Elle se pencha sur le moribond, dont le visage était crayeux. Une bulle sanglante apparut à ses commissures, tandis qu'il tentait de lui parler. Elle approcha son oreille de sa bouche. « Ma... Mazas... J'en ai eu un... Je ne crois pas... qu'il ira très loin. Mais fais gaffe aux trois autres. Ce sont de vrais tueurs. Ne t'inquiète pas, mon vieux. Je vais appeler le robot médic pour qu'il s'occupe de toi. Puis j'irai à leur poursuite. Trop tard pour moi. Je te regretterai beaucoup. Ma jolie. Oh non! Mais elle ne put que constater le décès du petit homme lorsque son corps s'affaissa dans ses bras. Avec amertume, elle murmura: Rick t'a sauvé la vie, et moi, je n'ai pas été fichu de te la conserver. Écrasant rageusement une larme qui coulait sur sa joue, elle reposa doucement la tête de Tiromon sur le plancher, après lui avoir fermé les yeux, puis elle se releva. Dans le faisceau lumineux qu'elle promena autour d'elle, elle n'aperçut que des corps immobiles et un sentiment de colère froide monta en elle. Fébrilement, elle alla ausculter tous les membres d'équipage, mais ce fut pour constater qu'ils avaient été massacrés du premier au dernier. Il n'y avait qu'un seul survivant, mais dans un état critique. Gasser, le second Éconide. Elle s'accroupit, saisit l'homme par un bras et une jambe, et se redressa en l'installant sur ses épaules. Puis, elle rebroussa chemin, à peine gênée par sa charge, pour rejoindre le poste de pilotage. Lorsque la jeune femme eut terminé son récit, après avoir donné les premiers soins aux blessés, Steve égrena un chapelet de jurons. « Les salauds ! On aurait mieux fait de les abattre après les avoir interrogés. Pourtant, je me demande bien comment ils ont réussi, à quatre et désarmés, à tuer 9 hommes bien entraînés. » Sur les 9, 3 ont péri dans le crash, et les 6 autres étaient sans doute plus ou moins blessés au sonnet. Tenta de relativiser la Carsacienne qui ajouta « Il faut croire par ailleurs que les Kerptiers sont plus résistants que les humains, peut-être de par la structure annelée de leur corps. Et comme ils peuvent voir dans l'infrarouge, ils ont pu quitter leur prison et vaincre sans gros risque leur adversaire dans l'obscurité. » « Oui, de plus, ils doivent pouvoir respirer notre atmosphère, car je te rappelle que nous avions enlevé les casques de leur combinaison spatiale, ce qui ne semble pas les avoir gênés beaucoup. » « Tu as raison, cela m'a échappé. » « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?»« Il faut tout d'abord savoir s'ils ont quitté le vaisseau. » « Pour se balader sur un monde glacé où l'air est presque sirupeux ?» s'étonna le pilote. « Cela ne me surprendrait pas. Je ne connais rien à la manière de fonctionner de ces êtres. Mais je sais que dans mon cas, je n'aurai qu'une hâte, m'éloigner le plus rapidement possible de ma prison et de mes geôliers. » Ouais, mais toi, tu n'es pas un insecte géant. » Bon, si on suppose qu'ils sont toujours à bord, on est en grand danger, car ils se sont emparés des armes de leurs victimes et ils risquent de rappliquer d'un instant à l'autre. Cependant, je crois qu'ils n'y sont plus, car je n'aurais pas pu circuler dans les couloirs sans que je les découvre ou qu'ils ne m'attaquent. « C'est possible, mais je préférerais envoyer Hector en exploration. »« Hector ?» Un sourire découvrit les dents du jeune homme. Il tendit le bras vers une des parois de la salle. « Tu vois ce bouton bleu près de la porte ? Appuie dessus. » Elle s'exécuta, et un pan du mur coulissa, dévoilant une niche abritant un robot de combat. « Mazette, je croyais que ces engins n'étaient utilisés que par l'astromarine. » « Tu l'as dit toi-même. » « Je suis bien vu du Lord Amiral. » Elle eut une petite moue sceptique. « Mettons. » « Tu sais comment l'activer, alors programme-le pour qu'il aille s'assurer que nos amis les bébêtes ont bien quitté le navire. » Maza se redonna vie à la machine de guerre, qui quitta le poste de pilotage après avoir reçu ses instructions. Dix minutes plus tard, Hector était de retour, confirmant qu'il n'y avait plus d'âmes qui vivent en dehors du central. Alors, quelle est la suite? Les Kerptiers ne pourront pas subsister longtemps à l'extérieur, quelle que soit leur constitution. Donc, ils vont certainement tenter de revenir, dans l'espoir qu'au moins un de nos engins de secours soit encore en état de voler. Ça, ce serait étonnant. D'ailleurs, même si c'est le cas, il leur sera impossible de le sortir de la soute. S'ils nous suppriment, ils auront tout leur temps pour découper une ouverture suffisante dans l'épave. Quant à leur nourriture, souviens-toi que les peuples qu'ils soumettent leur servent souvent de casse-croûte. Avec l'équipage du vaisseau, ils ont de quoi tenir un bon moment. J'avais oublié ce détail. Bon, il suffit de programmer Hector pour les attendre et les supprimer une fois pour toutes. Tu les prends pour des idiots ? Pour l'instant ? Ils ignorent s'il y a encore des survivants en état de combattre sur le cœur de Fomalo. L'ex-cœur de Fomalo, maugréa-t-il. Faisant fi de l'interruption et continua. Si c'est le cas, ils doivent bien savoir qu'ils seront attendus quand ils reviendront. Donc, logiquement, Si le mot existe chez ce peuple, il devrait se contenter de surveiller et de guetter s'il y a le moindre signe de vie. Du moins, aussi longtemps que les conditions extrêmes qui règnent à l'extérieur le leur permettront. Donc, c'est bien ce que je disais, il suffit de les attendre. Réaction simpliste, mon cher. S'ils se décident à attaquer de tous les côtés, nous ne serons qu'un et demi pour leur résister. Tu sembles oublier Hector. Pas du tout. S'ils restent à l'entrée du sas, ils risquent de se faire démolir par une série de tirs groupés. Et si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas les empêcher de rentrer par une des nombreuses déchirures qui parsèment la coque du vaisseau, et peut-être de récupérer un moyen d'échapper à ce monde. Sa seule utilité réelle serait de le garder à l'entrée du poste de pilotage. Mais cela leur laisserait l'accès à tout le reste de l'astronef. Alors, que proposes-tu ? Sortir et les combattre à l'extérieur. Tu es complètement folle ! Détrompe-toi. Si j'ai survécu à un grand nombre de combats avec les mercenaires de Karzak, puis à pas mal de missions pour l'OMU, c'est parce que j'ai toujours analysé les coups idiots où je m'étais fourré, afin de trouver la solution me permettant de m'en sortir sans trop de casse. Et alors ? Ils pensent être en position de force et ne s'attendront pas à être attaqués sur leur terrain. Je suppose que je ne pourrai pas te faire changer d'avis. Tout juste. Bon. Comment espères-tu quitter le vaisseau sans être vu ? En passant par un des trous de la coque, du côté où elle repose contre la falaise de glace. Je vais me frayer un passage au désintégrateur et j'espère en sortir assez loin dans leur dos. Cela fait un sacré travail et ça ne sera pas évident. C'est pourquoi je vais avoir besoin des services d'Hector. C'est lui qui creusera et refermera le passage derrière moi. Puis, il reviendra s'occuper de votre protection. Parce que tu penses que je ne suis pas suffisant ? Ta patte folle ne va pas te permettre des acrobaties habituelles. Et les trois autres sont dans les vapes encore pour un moment. Le robot ne sera donc pas de trop. Tu as sans doute raison, mais je ne vais pas vivre pendant tout le temps de ton absence. Ne prends surtout pas de risques. Il faudra bien que j'en prenne, mais rassure-toi, je ne suis pas un kamikaze. Et si je veux que tu continues à me faire la cour, il faut bien que je revienne. Ouais. Ton désabusé et sceptique à la fois. Elle lui sourit ironiquement et se dirigea vers la porte en annonçant « Je vais m'équiper et je reviens chercher le robot. » Pendant que l'émir rongeait son frein en attendant la fin des réparations de la nef moissonneuse, l'Arcturus s'apprêtait à quitter l'espace linéaire pour tenter à nouveau de recueillir le message surcondensé de la micro-balise qui lui donnerait les coordonnées du lieu de rendez-vous avec le cœur de Fomalo 2. Vanek, penché sur ses instruments et un peu vexé par son échec précédent, surtout parce qu'il avait eu lieu devant Kalec, se tenait prêt à sonder l'espace dès le retour dans le continuum Einsteinien. En se jurant de ne pas se laisser distraire, même s'il pénétrait dans la gueule des enfers. Le frère de Mazas se tourna vers l'officier de tir, figé derrière sa console. « L'Antoine, tu es paré ?» Sans tourner la tête, le mercenaire passa machinalement la main sur son crâne rasé et répondit « J'ai regroupé les commandes de toutes les armes de bord sur ma centrale. Si nous débouchons de nouveau au milieu de la flotte adverse, je serai prêt à tirer dans le tas. L'effet de surprise et les dégâts que nous leur causerons devraient nous laisser quelques instants de répit. » Avant qu'ils ne se ressaisissent et que nous leur servions de cible. John le remercia d'une tape amicale sur l'épaule. Kalec et Arx s'étaient installés sur des sièges face à la batterie d'écran. Après un soupçon d'hésitation, l'aîné des Pavel avait accepté leur présence sans dire un mot, mais il lançait parfois à l'antilan un regard manquant franchement d'aménité, ce qui semblait indifférer totalement l'octopode. M'étonnerait fort qu'ils partent ensemble en vacances, ces deux-là, songea le rouquin. L'œil brillant d'une lueur amusée. « Sortie de l'entre-espace dans 12 secondes !» annonça le pilote. La tension monta d'un cran dans le poste de commandement. Tel un bolide, l'Arcturus jaillit hors de l'espace linéaire, tous ses détecteurs activés, pour émerger dans une zone déserte. Si déserte que John s'étonna auprès de Mantel. « Tu es sûr d'être sorti au bon endroit ?» ce qui déclencha une querelle de jurons de celui qui se sentait soudain atteint dans son honneur. « Évidemment !» Le chef des mercenaires n'eut pas le temps de s'excuser, car Vanek poussa un cri de triomphe, qui attira toutes les attentions. Ça y est, je l'ai! Quelques secondes plus tard, les coordonnées étaient enregistrées et introduites dans la positronique de bord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Interrogea Mantel d'un ton encore blessé. Essaie de savoir vers où se dirige l'armada des quartiers et vérifie dans le catalogue astronomique Arconide s'il y a des mondes habités sur leur route. Dans l'affirmative, il va falloir alerter les peuples qui risquent de se trouver sur leur chemin. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le 6e chapitre de Mazas Pavel, Un monde en héritage, d'André Bory. Nos interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans les rôles de Sivomir Ersing et de Tiromon, Ezwa dans le rôle de l'émir, Kael dans le rôle de Kalek Voram, Michael Cadillac dans le rôle de John Pavel, Merzlin dans le rôle de Yves Mantel, Patrice dans le rôle de Vanek, Reggie Metalfox dans le rôle de l'Antoine, et Christian Martin dans le rôle de Axe et à la narration. L'histoire appartient à l'auteur et est protégée par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Pour tout savoir de nos productions, rendez-vous sur l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. Bonne nouvelle pour les Québécois. André Bory et sa compagne seront au Québec lors des deux premières semaines de septembre. Ils visiteront dans l'ordre la région de Montréal, celle de Trois-Rivières, celle de Québec, celle de Thetford Mines et celle de Sherbrooke. Avis aux amateurs de Perry Rodden et de Mazas Pavel. Ce sera possiblement votre unique chance de rencontrer l'auteur des aventures de Mazas Pavel. Suite de la table ronde, Nahul Buck de l'écrit à l'écran avec John Lang, l'auteur du donjon de Nahul Buck, Jean-Luc Rivera et le directeur d'écriture de la série d'animation réalisée par Nomad Film. Non, alors on va peut-être revenir sur la série audiovisuelle après, parce que c'est effectivement le dernier développement. Mais avant, je pense que c'est bon quand même qu'on parle aussi d'un autre développement qui a été très important. C'est tout l'aspect musical de Noël Buck avec le Noël Band, tous les concerts, les CD audio, il y a 4 CD je crois, déjà. Et puis tous les concerts, c'est 150. On a dû faire entre 120 et 150 concerts. Alors ça a fait partie des trucs accidentels du donjon de Noël Buck. Donc la BD c'est accidentel, parce que moi c'est quelqu'un qui est venu me dire « Tiens, ce serait bien qu'on fasse de la BD. » Moi, j'y croyais pas du tout, parce que c'était un milieu que je connaissais pas. J'ai suivi la personne parce que j'avais un bon feeling avec et tout. C'est révélé que c'était une très bonne idée. La musique, c'est complètement accidentel. Un jour, j'avais envie de faire un truc. Je me dis « Bon, tiens, j'ai des instruments. Je sais pas chanter, c'est pas grave. J'ai enregistré le troll farceur. J'ai écrit la chanson en une heure. J'ai enregistré en une heure et demie. Donc c'est un processus musical vraiment très rapide et j'ai mis ça en ligne et alors là c'est parti comme une fusée partout sur les forums etc. Et au bout de quelques semaines on m'a dit ouais faut que tu viennes chanter cette chanson à tel endroit. Alors se déplacer pour faire un concert quand on n'a qu'une chanson c'est un peu bizarre mais voilà c'est ce qui m'est arrivé. C'est arrivé sur une convention de jeux de rôle à Amiens où j'ai fait mon premier concert et j'avais deux chansons parce qu'entre temps je me suis forcé à en écrire une autre. Je me suis dit quand même, j'ai arrivé avec deux chansons et en même temps j'avais amené un traditionnel breton, histoire de meubler entre les deux. Bon, et donc du coup là-bas j'ai rencontré Ghislain du Nahul Band, notre percussionniste depuis ce temps-là. Et donc ça c'est arrivé, donc on fait ce morceau, voilà, convention, on chante un truc, point barre. Et un jour on nous a dit pourquoi vous venez pas faire un vrai concert avec plusieurs morceaux dans un événement. Donc c'était le salon Le Monde du Jeu, le salon de rôliste. Encore une fois, complètement accidentel, on arrive, on pose les amplis sur la moquette. C'était vraiment pas organisé, mais du tout. On a joué au milieu du salon, vous imaginez. Il n'y avait pas de scène, les gens, ils se mettaient debout comme ils pouvaient. Et là, on a dit, mais c'est catastrophique, on n'avait même pas répété. Moi, j'ai invité des potes par téléphone, j'ai envoyé des mails. Je leur ai dit, on va jouer ça, ça et ça, je t'envoie les morceaux. Les gens se sont rencontrés, pour certains, le jour du concert. Vous imaginez à quel point c'est improvisé. C'est bonjour, moi je suis de la flûte, ah moi je suis percussionniste. Voilà, donc c'est le début d'une allemande, c'est ça. Et à quel point c'est accidentel. Donc nous on se regarde, on fait bon, c'est pas grave, il y aura personne. Et là on se retourne et il y a 400 personnes. T'as pas l'impression déjà, tu vois. Bon, alors c'est pas grave, on dit, si on échoue, les gens vont nous oublier. Donc on joue nos trucs, plus ou moins bien, avec un son pourri, pas organisé. À la fin on est épuisé, alors les gens étaient contents. Et là il y a des types qui viennent nous voir et nous disent « C'est terrible votre concept !» C'est trop bien fait et tout. Et là ils nous disent, on vous invite à telle date, on vous invite à telle date, on vous invite à telle date. On a eu plein d'invitations ce jour-là. Et le Naul Band est né ce jour-là, en fait, on a dit, mais il faut qu'on écrive des chansons. On peut pas aller faire des concerts avec rien. Et donc voilà, au fur et à mesure, on a écrit plein de trucs. Maintenant, on fait des concerts qui peuvent durer 3 heures. On a fait de la route partout, j'allais dire autour du monde, mais parce qu'on est allé au Québec. Voilà, c'est le principe d'un truc accidentel. Et en fait, la musique rôliste, c'est un truc dont les gens avaient vraiment besoin, envie, et on ne savait pas, donc on l'a fait par hasard. Quelle est l'histoire derrière la sponsorisation pour les marchands de chaussettes dans les concerts? Non, mais en fait, à chaque fois que je balance un concept crétin dans le donjon de Bloc, il finit par se transformer en espèce de phénomène. Alors, je vous donne un exemple, le poulet du donjon. Alors, le poulet, hein, voilà, ceux qui ont des trucs du donjon. Alors pourquoi le poulet? Alors le poulet, c'est vraiment un truc que j'ai mis dans le donjon parce que je me dis, voilà, ceux qui ont joué à Dungeon Keeper, il y en a par exemple. Voilà. Pour Dungeon Keeper, on élève des poulets dans le donjon parce que ça nourrit des monstres. Donc je me suis dit, c'est normal qu'un jour on tombe sur un poulet. Alors il y a une petite aventure autour de ça. On a fait une chanson sur le poulet. Et à un moment donné, j'ai introduit une espèce de chorégraphie débile qu'on a joué à Trolls et Légendes. Un gros festival de fantasy, il y avait 5000 personnes. Donc là, vous voyez le chemin du Naul Band, quand même. Et en fait, ils se sont emparés de ce truc pour en faire un machin qui a pourri tout le festival. Parce que tous les groupes qui passaient, il y avait les fans de Naul Band qui étaient là, qui faisaient poulet, poulet, piou, piou, piou. Alors le truc, c'est qu'ils faisaient ça à des gens qui étaient... Qui parlaient allemand, anglais, des groupes d'autres pays, qui les regardaient comme ça. Et à un moment, il y en a qui est venu nous dire « What is poulet, poulet ?» Et donc voilà, nous, on met en place des trucs comme ça. Et chaussette du nain, c'est une énigme toute bête que j'ai foutue dans un épisode. J'étais fatigué. Et c'est le truc qui me poursuit depuis 12 ans, voilà. Donc à chaque dédicace, il y a quelqu'un qui s'amène qui fait « Hey, chaussette, je veux mon niveau !» Voilà. Mais bon, bah, c'est des trucs qui arrivent, voilà. C'est quand même pas mal accidentel, bonjour les bug. Mais pour l'instant, ce qui a le plus échappé à notre emprise, c'est le poulet. Parce qu'on a quand même, maintenant on a un dieu poulet, de 2,50 m gonflable qu'on amène sur les concerts juste pour que les gens puissent jouer avec. Donc on fait l'invocation en plein morceau. Ouais. Suite le mois prochain. Voici maintenant ce que nous avons mis en ligne au cours de juillet dans le cadre des nouveautés audio des éditions de l'Avenir. Le 3, ce fut Hop Frog d'Edgar Allan Poe, interprété par Cécile Bramafa. « Cela sera, » dit le roi. Et le conseil se leva en toute hâte, car il se faisait tard, pour mettre à exécution le plan de Hop Frog. Sa manière d'arranger tout ce monde en orang-outan était très simple, mais très suffisante pour son dessein. À l'époque où se passe cette histoire, on voyait rarement des animaux de cette espèce dans les différentes parties du monde civilisé. Et comme les imitations faites par le nain étaient suffisamment bestiales, et plus que suffisamment hideuse. Le 10, nous vous présentions la page 8 de l'édition du 15 septembre 1883 du Progrès de l'Est. Vient de s'adjoindre un nouvel associé et portera désormais le nom de Camira, Heard et Fraser. Monsieur H.R. Fraser a fait son droit dans l'étude de Messieurs Camira et Heard et a été reçu bachelier en droit en juillet dernier avec la plus grande distinction. Nous souhaitons le plus grand succès à Messieurs Camira, Heard et Fraser. Vendredi et samedi dernier, le 17, nous mettions en ligne la version audio des résumés Perry Rodden pour les fascicules 70 à 79. Il est, en fait, sous le contrôle de Matal. Au cours d'un terrible combat psychique qui se déroule à l'insu de l'équipage, Goldstein parvient à se délivrer de l'emprise de Matal, qui meurt à l'issue du combat. Le gladiateur est en réalité une créature étrangère, échouée sur Epan, un métamorphe capable de modifier sa structure moléculaire. Il souhaitait asservir les terriens à travers Perry Rodden et les mettre au service de son peuple. Le 24, c'était la 7e partie des relations des Jésuites. Néanmoins, au lieu de faire ce de quoi on l'avait requis et à quoi il était tenu, il s'en alla rapporter le tout au dit Simon Imbert, ajoutant que le jésuite coadjuteur l'avait accusé. Or, quels conseils furent pris là-dessus, et quels menés sous prétention, je n'en sais rien. Tant il y a que, comme de petites exhalaisons et vapeurs qui, au commencement, ne sont rien, s'élèvent d'épaisses nuées, vent furieux et horrible tempête qui, à trait de temps... Enfin, le 31, nous vous présentions un conte du pays gallo, la fée des Houx. Tu penses peut-être que de mon côté... Je n'ai rien fait de la journée. Tu te trompes, mon vieux. Moi aussi, je suis harassé ce soir. J'ai profité du beau temps pour récolter les pommes de terre du courtier, et à l'heure qu'il est, elles sont asséchées dans le grenier. Faut-il donc, mon Dieu, continua Gertrude, qu'à notre âge, nous soyons obligés à veiller, sans repos ni trêve, pour vivre misérablement. En terminant, l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog à l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap, en transition sur Podomatic à l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, via le Miro Guide, partiellement sur Stitcher, et chez Radio H2O à radioh2o.ca qui, par ailleurs, diffuse toujours notre émission sur leurs ondes les samedis et dimanches de 17 à 18 heures, heure de l'Est du Canada. Vous nous retrouverez également sur Twitter à l'Avenir Audio ainsi que sur Google Plus sous Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'avenir audio. Toutes nos productions audio se trouvent via l'avenir audio.canalblog.com et plusieurs d'entre elles sont également sur audiocité.net. Et voilà, ainsi se termine cette 22e émission de la deuxième série du podcast des éditions de l'Avenir. Bonnes vacances pour ceux et celles qui en prendront en août. Merci de votre attention. À bientôt.